Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Et ben ça y est, Flycase, c'est reparti en ce samedi après-midi, samedi 31 octobre, en dernier classement du mois d'octobre, avec une fois de plus pas mal de changements cette semaine, avec un total de 2 entrées et 2 sorties. La sortie de DJ Gagnani, petite découverte Galaxy avec Bad Days. Elle est sortie également de Jojo Rose avec Insidious. Numéro 20. Allez, on est parti d'attaque tout de suite dans ce classement avec la lanterne en rouge cette semaine. 20e, ça perd une petite place. Pop-off avec Going Back. C'est le remix de Oxia et Miss Keating. Bon après-midi, restez avec nous. Nouveau numéro 1 également tout à l'heure. On aura l'occasion de vous en parler aux alentours des 18h. touch, the fire within me. When I'm feeling empty, you fill me right up, baby, fill me right up. I remember when you lit me up with your touch, the fire within me. When I'm feeling empty, you fill me right up, baby, you fill me right up. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the lies away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you. I'll never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. For the fun that people had at night. Late at night, don't need austerity. Timid smile and pulls you free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up with arms and cheese and wool. All good children to be told. Look, my eyes are just holograms. Look, your love is drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Time to risk a life, a life, a life. Sweet and handsome, soft and bulky. Your big IT of sin and light. Big IT of sin and light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love is drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety.

numéro 15. Fly Gaze, nouveauté. Sleep 'cause we're running out of time.

Curtis et les 20 titres incontournables avec la 13e position à l'instant. C'était Maceoplex, bien de 5 places pour Wesh Who et My Tears, numéro 14, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Pour Saint Weekend et English avec Lost Runaway. Et numéro 15, c'était la seconde entrée pour cette semaine pour le titre de Timothy Milton avec le nouveau, avec Tania Michel, ça s'appelle Music and Me. Bienvenue, bon après-midi. Tout de suite, une petite proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Il s'appelle Justin J. Et le titre Rain Dance, c'est maintenant, c'est sur Galaxy. N'oubliez pas de voter. Facebook, Flakez, on totalise toutes vos propositions et puis tous vos votes également. Résultat la semaine prochaine, évidemment. GalaxyFM.com, l'adresse web essentielle pour retrouver toute l'actu de la radio des tribus électroniques. Électronique. Grille des programme, actu des DJs, le classement Flycase, les événements à venir, les réseaux sociaux et surtout la possibilité d'écouter Galaxy en ligne où que tu sois. Où que tu sois. Tape www.galaxyfm.com et tu as un clic. Un clic. D'une grande claque. Flycase sur Galaxy. Les 20 titres qui te font bouger. Numéro 12. Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on this box, Jack boldly declared, "Let there be house," and house music was born. I am, you see, I am the creator, and in my house there is only house music. But I am not so selfish, because once you enter my house, it then becomes our house, and our you may be black, you may be white, you may be Jew or Gentile, it don't make a difference in our house, and this Soyez les bienvenus, c'est le Flycase jusqu'à 18h avec un nouveau classement évidemment, pas mal de changements on vous l'a dit. Et voici le récapitulatif de la première heure, numéro 20, Pop Off avec Going Back, c'est le remix Oxia et Miss Kitting. Numéro 19, une place de mieux pour Jack Oi avec Still in Love. Les Chasers Page qui perdent du terrain cette semaine, 3 plaies au moins pour le titre Twist in My Sobriety numéro 18. Numéro 17. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Bjarki, I Wanna Go Bang numéro 17. Deux entrées cette semaine, ça nous rappelle plein de souvenirs, c'est début des années 90, c'est un remix Alexis Raphaël avec Helter Skelter numéro 16. Numéro 15. C'est une entrée également, c'est la meilleure entrée pour cette semaine, numéro 15, Timothy Milton, le nouveau fou, Music and Me. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour la 14e position, Saint Weekend avec Lost Runaway. Numéro 13. Numéro 13 cette semaine, ça gagne 5 places. Basséoplex, le grand retour dans ce classement avec Wash Away My Tears. Place au moins cette semaine pour la reprise Frankie Knuckles avec le titre Chicago, c'est le groupe Après, numéro 12. Numéro 11. Et enfin numéro 11, on se l'a écouté il y a quelques secondes à peine, c'est un titre stationnaire cette semaine, Carry On, le titre de Jane Shra. Numéro 10. Flykeys. Numéro 10. Allez, on est parti, nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours de 18h. Et puis en attendant, voici les 10 meilleurs pour cette semaine. 4 places au moins pour un album à posséder absolument chez vous dans votre discothèque, Paul Kalkbrenner. Et le titre Cloud Rider. Très très bon après-midi, c'est le Flykeys. Hein. Just my feet up off the ground to fly. home for love, your loving. I'll swoon for love, your loving. Days, numéro 7. Forgot. Be like I'm from Big Buck Wild. Niggas put me through this shit like the fast life, go. Well, I forgot. Live the fast life, go. Deep like, go. Live the fast life, go. I forgot. numéro 5. Sick of moving your body to a well. Why? Galaxy, numéro 3. Tonight. Oh. Titre incontournable tous les samedis entre 16h et 18h. Voici le récapitulatif des 10 meilleurs pour cette semaine. Pointé numéro 10, le titre de Paul Kalkbrenner avec Cloud Rider. C'est un titre qui perd 4 places cette semaine. Numéro 9, t'es casé avec Green Velvet. Le grand retour également de ce classement avec Suga. Ça perd 5 places. Numéro 8. Numéro 8, ça fait sourire. Matlobetou, ça lui fait chanter également. Ça fait du bien. Enfin, parfois, il faut mieux l'arrêter. Hein. 6 avec Eduardo Castillo. Avec Sombra India, numéro 8, ça perd 3 places. Numéro 7. Numéro 7, Biker Mad, c'était d'entrée la semaine dernière avec le titre Wende Vandar. C'est leur reprise avec l'accent, on est un flamand. Hein. Et le remix de Oliver Delar et Matiuka, numéro 7, ça gagne 2 places. Numéro 6. Une place de mieux, c'est la position numéro 6 cette semaine. Collectif Town Stress avec Sorry I'm Late. Numéro 5. Cette place de mieux, peut-être un futur numéro 1. Qui sait, dans tous les cas, c'est à vous de voter un Facebook Flycast. Ça s'appelle Bulge Praise the Lord. Ça gagne 7 places. Numéro 4. 4 places de mieux, c'est la position numéro 4 cette semaine. Damia Lazarus avec le titre Vermilion. Numéro 3. Le podium cette semaine, on adore ce titre. Pas tellement par contre par rapport à la semaine dernière pour Claude Mansrock et le titre Make a Cake. Numéro 2. Et numéro 2, on s'est écouté il y a quelques secondes. Le titre de Pelé et Shaughnessy, Better for Brain, ça perd une place. C'était numéro 1 la semaine dernière. Galaxy. Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Allez, on est parti, nouveau numéro 1 pour cette semaine. Ça gagne une petite place. George et Tudwan Berger, le titre Disery. She got an old man. Ce classement de Flakey, c'était Jules et Tubenberger avec le titre This Reese, ça gagne une place. Bah voilà, Flakey, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. Matt le Matou, en super forme. Yeah. Dans quelques instants, ouais, tu peux t'approcher. On va mieux t'entendre en fait. En forme pour Halloween. En forme pour Halloween. Bah oui, on a pensé à toi en plus. Voilà, attention, Matt le Matou dans un instant, il est 18h. Ciao.